Retour à l'antenne avec Thomas Decan qui nous dit « L'arrivée du printemps me donne des envies de changement pour la maison. Des bons plans ?» Thomas, c'est la dernière ligne droite pour aller chez Castorama profiter de l'opération Hello les promos. Des bons plans qui n'attendent que toi dans tous les rayons, pour l'intérieur comme pour l'extérieur. Alors Thomas, t'y es pas déjà ? Vite, vite ! Chez Castorama, ce sont les derniers jours de l'opération Hello les promos, avec des bonnes affaires à saisir dans tous les rayons. Venez vite en profiter, mais attention, c'est seulement jusqu'au 20 mars. Castorama, changer nous fait avancer. Hello, bonjour. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, mystère au château d'Escoire, une histoire criminelle qui nous replonge également dans les heures sombres de l'occupation. Qui a tué Georges Girard ? Sa sœur Amélie ainsi que leur employé de maison Louise dans la nuit du 24 au 25 octobre 1941. Dans quelle pièce de leur château a été commis le crime ? Et enfin, avec quelle arme ? Des questions dignes d'une partie de Cluedo, pour une énigme qui reste résolue plus de 80 ans après les faits. Une affaire qui suscite en tout cas une vive émotion et qui passionne l'opinion à mesure que l'enquête avance. Enfin, si l'on peut dire. Car au château, il ne semble y avoir aucune trace d'effraction, aucun témoin, aucun mobile apparent. Et pourtant, il existe un suspect idéal. Un certain Henri Girard, unique héritier de Georges et Amélie. La nuit du massacre, il dormait au château. Du crime, il prétend n'avoir rien vu, rien entendu. C'est pourtant lui qui donne l'alerte. Lui encore, dont le comportement intrigue. Paradoxe de cette histoire, si tout le monde a oublié le nom d'Henri Girard, nombreux sont ceux qui le connaissent sous son nom de plume, Georges Arnaud. Un nom avec lequel le jeune homme va publier le roman à succès, Le salaire de la peur, qui fera sa gloire. Le récit que nous allons vous raconter aujourd'hui se base sur des témoignages d'époque. Une version, disons, officielle et jusqu'ici admise, qui depuis a été remise en cause par notre invité Philippe Génada. Auteur du roman à succès La Serpe, prix Femina 2017, paru en poche chez Point l'an dernier, il a enquêté dans les archives et a découvert plusieurs éléments qui démontrent que derrière cette histoire criminelle, il existe une explication étonnante. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, et aujourd'hui en partenariat avec Retro News, le site de presse de la BNF. Récit documentaire Adrien Cara, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le salaire de la peur, c'est le roman de l'aventure ou le roman de l'aventurier ? Oh mon vieux, vous allez très loin. Le salaire de la peur, à mon avis, est mon plus mauvais bouquin. Parce que je ne crois pas que la littérature soit composée d'ouvrages qu'on lit parce qu'on veut savoir comment ça finit. Or, la clé du succès du salaire de la peur, c'est que vraiment on se demande si ces gars vont s'en sortir ou pas, chose qui me paraît tout à fait secondaire et sans importance. C'est le roman d'un journaliste ? Non, j'étais très peu journaliste à l'époque, j'étais même pas du tout, je le suis devenu après. Parce que vous l'étiez de tempérament. J'étais curieux, puis j'aime bien raconter. Je suis plutôt romancier que journaliste parce que je suis un peu menteur. Et qu'un journaliste, non seulement en principe n'est pas menteur, mais en fait ne l'est pas. Mercredi 27 septembre 1972, Maison de la Radio, Paris, ici même, dans le grand studio de France Inter. Le journaliste Jacques Chancel s'entretient avec l'écrivain Georges Arnaud. Entre les deux hommes, vous venez de l'entendre, le ton est cordial. Aux questions du présentateur, l'invité du jour, Georges Arnaud, donc, cigarette à la main, répond avec une verve piquante et souvent provocante. Quelques années plus tôt, c'est grâce au succès de l'adaptation cinéma de son premier roman Le salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot que le grand public découvre le visage d'Arnaud. Quelques portraits publiés dans les magazines, des photos en noir et blanc sur lesquelles se dessinent les traits vieillis d'un homme d'une cinquantaine d'années, un individu caméléon, dont le visage change d'un cliché à un autre. Un jour avec une large moustache mal taillée, l'autre rasé de près, parfois des cheveux balayés en arrière ou d'autres fois ébouriffés. Mais toujours ce même regard, inquisiteur et déstabilisant, caractérisé par de petits yeux noirs perçants. À la lecture des rares interviews données par Arnaud, le lecteur est frappé par les zones d'ombre sur le parcours de cet écrivain, tour à tour aventurier, journaliste, romancier, habitant un moment en Amérique du Sud, puis en France et désormais en Algérie. Seul indice, Georges Arnaud aime se définir comme un autodidacte et comme un fils de bonne famille que l'ivresse de la vie a contraint à se métamorphoser en dur à cuire. Au registre judiciaire, il prétend son casier vierge, à l'exception d'une affaire qui l'a conduit au tribunal militaire en 1960. Un procès médiatisé où il fut inculpé en tant que journaliste pour avoir refusé de donner les détails sur une conférence de presse de représentants du FLN à laquelle il avait assisté. Parmi ceux qui prendront alors sa défense, Jean-Paul Sartre, Jacques Prévert ou encore Louis Aragon. Un épisode qui inspire à Arnaud cette remarque très satirique sur la justice en France. Georges Arnaud, on condamne ceux qui ont tué, mais il y a mille manières de tuer, souvent par la parole, par l'indifférence. Moi, je dois dire que le code pénal dans son ensemble me paraît un livre assez réjouissant, et l'exercice de la justice me paraît une activité assez réjouissante. Après, les procès de meurtre, par exemple, c'est très marrant. On entend très bien reprocher à un accusé d'avoir fait ça et ça et ça qui n'est pas bien. Mais le juge qui le lui reproche, moi j'aimerais assister à la manière dont il fait l'amour avec sa femme. En principe, toutes les perversions sont impliquées dans l'étreinte. Tout oui, ça. Mais c'est allé un peu loin. Oui, c'est allé un peu loin, mais enfin, vous voyez la limite, soyons sérieux. Derrière la vitre de la régie du grand studio de France Inter, qui peut se douter que l'homme qui répond aux questions de Jacques Chancel s'appelle en réalité Georges Arnaud? Qui peut imaginer que cet individu qui se moque de la justice de son pays a été emprisonné pendant plus de 2 ans? Qui, enfin, pourrait croire que ce même homme fut mêlé à l'une des affaires criminelles les plus médiatisées, les plus sordides de la période de l'occupation? En tout cas, au registre de l'état civil, l'écrivain à succès Georges Arnaud n'existe pas. À sa place, on découvre un autre nom, celui d'Henri Girard. Georges, c'était le prénom de son père. Arnaud, le nom de famille de sa mère, d'où Georges Arnaud, depuis la fin de la guerre. Mais qu'avait donc à cacher l'auteur du roman à succès Le Salaire de la peur? Pour le comprendre, il est nécessaire de revenir au début des années 40, en pleine Seconde Guerre mondiale, dans une France en partie occupée par les nazis, à une période où le nom d'Henri Girard s'affiche en une de la presse. Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. L'abbé est nerveux. Nous disons l'abbé est nerveux. Ici Londres. Notre deuxième bulletin d'information est terminé. Périgueux, octobre 1941. Cette année, l'automne est sombre et pluvieux sur la Dordogne. Ici, dans ce qu'on appelle la zone libre, les Français obéissent aux ordres du régime de Vichy et du maréchal Pétain. C'est le temps du rationnement, c'est le temps des réquisitions. Sur les rares petits postes de radio disséminés ici et là, résonne chaque soir une étonnante série de messages. Des échanges sibyllins qui dissimulent une technique subtile de la résistance pour transmettre des informations opérationnelles à ces hommes éparpillés dans le maquis. En ce début de soirée du vendredi 24 octobre, à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Périgueux, dans un grand château cossu qui surplombe le village d'Escoire, la famille Girard s'apprête à dîner. Dehors, l'obscurité a déjà recouvert les 120 hectares de forêt et de champs de l'immense propriété familiale. Il est environ 19h, lorsque le fils des gardiens du domaine, René Tolu, traverse le parc du château. Au rez-de-chaussée de la demeure, il distingue de la lumière dans la cuisine. La bonne, on disait comme ça à l'époque, Louise, est en train de préparer le repas. René part dîner chez des amis, il ne s'attarde pas. Assis autour de la grande table de la salle à manger du château, la famille Girard est ce soir-là au complet. Il y a Georges, sa sœur Amélie, et enfin un grand garçon maigre, voûté et dégingandé de 24 ans, Henri, le fils de Georges. Quelques instants plus tard, Louise apporte une soupe de haricots, un repas d'apparence frugale, mais un repas tout de même en ces années sombres où de nombreux Français peinent à se nourrir. L'après-midi, Amélie Girard fait le tour des métayers du domaine pour récupérer des loyers. Largement pratiqué à l'époque, le métayage est une sorte de bail par lequel le propriétaire d'un domaine confie à un agriculteur le soin de cultiver une terre en échange d'une partie de la récolte, d'argent, ou des deux. Au total, Amélie Girard a récupéré ce jour-là un peu plus de 6000 francs, une grosse somme à l'époque. Elle est notamment passée chez les Tolus, métayers et gardiens du domaine avec qui leurs relations se sont dégradées. La famille Tolu habite à quelques centaines de mètres du château et elle a demandé à ce qu'on lui installe l'électricité. Or, les Girard ont refusé et les Tolus ont mal pris la chose. Chez les Girard, l'ambiance semble également tendue. Un jour, Henri veut faire une mauvaise blague à sa tante. Il prend un fusil et tire sur les tableaux à la chevrotine. Bon, une blague de gamin, un geste pas bien méchant, mais qui se transforme chez les habitants des squares comme la preuve que les Girard sont en conflit. Alors qu'en réalité, ils ne savent rien de ce qui se passe là-haut, au château. Ce que les habitants du village ont aussi longtemps cru, c'est qu'Henri vivait à Paris comme une sorte de dandy, un épicurien, dépensant sans travailler l'argent de sa famille. Certes, Henri dépense. Il enchaîne échecs universitaires, amoureux et professionnels. Pourtant, il ne jette pas l'argent de sa famille par les fenêtres, comme le supposent les habitants des squares. Parmi les rares personnes qui parlent de la relation entre Henri et son père, Georges, il y a le témoignage de Jeanne Valade, une habitante qui venait de temps en temps au château livrer de la nourriture. Un témoignage qui porterait à croire qu'entre le père et le fils, les relations seraient vraisemblablement exécrables. C'était un vrai démon. Alors, disons qu'il était un peu farfelu. Mais oui, Esquire là-bas, il le disait, comment c'est ce qu'il appelait, le foldingue. C'est comme ça que les gens ici l'appelaient. Vous l'avez vu grandir, vous, presque? Ah ben oui. Forcément, mais il était plus âgé que moi, mais enfin, je le vois. Ce grand rouquin, là, c'est impensable. Oui, mais c'était quand même le fils du châtelain, il fascinait un peu ben, tout le monde. Oui, ah non. Et puis il avait de la culture. Oui, mais tout à fait le farfelu. Paradoxe de ce dîner où personne ne semblait vraiment à sa place, c'est Henri qui l'a fixé à la dernière minute et qui a forcé la main à sa tante et à son père. Amélie, elle, est arrivée au château 10 jours plus tôt afin de se reposer et faire des provisions pour les rapporter ensuite à Paris. Henri, lui, débarque sans prévenir le 16 octobre, en passant clandestinement la ligne de démarcation, profitant au passage d'une nuit dans une maison close à Périgueux. Lorsqu'il arrive à Escoire, son premier réflexe est de demander à sa tante de prolonger son séjour, puis il prend contact avec son père. Son père, Georges Girard, est fonctionnaire du gouvernement provisoire. Décoré de la Légion d'honneur, historien de formation, il s'occupe des archives du ministère des Affaires étrangères à Vichy. Henri va le harceler pour qu'il le rejoigne à Escoire, comme le raconte l'ancien commissaire Guy Penaud. Il a tellement insisté auprès de son père, en lui disant « mais il faut que tu viennes à Escoire, etc. » que le père, finalement, est arrivé, d'abord par le train de Clermont-Ferrand à Périgueux, puis il a pris un petit tramway, comme il existait alors en Périgord, la ligne de Périgueux-Excideuil, et il a débarqué à Antonne. Et le fils est allé le chercher le matin, le 24 octobre, au matin, avec la valise, il l'a ramené ici au château d'Escoire. Et donc, ils se sont retrouvés toute la journée dans ce château. Eh bien, la tante, qui était présente, le père Girard, c'est-à-dire son frère, et puis le jeune Girard, également, il y avait une bonne qui était présente et qui s'occupait un peu de la maison en l'absence des propriétaires. Une fois le dîner de famille terminé, les Girard partent se coucher. Henri, lui, retourne dormir dans l'aile nord-est du château, au dernier étage, comme il le fait depuis une semaine. Georges et Amélie, eux, prennent leur quartier au rez-de-chaussée dans l'aile opposée. Et Louise prépare les lits. Il est 21h30 lorsque René Tolu rentre de chez ses amis. Le jeune homme coupe à travers le parc pour rejoindre la maison de ses parents, donc les gardiens du château, une petite bâtisse située le long du mur d'enceinte. René constate alors que les portes et fenêtres de la demeure des Girard sont fermées. Aucun bruit, aucune lumière. Par cette nuit sans lune, la famille Girard semble être déjà couchée. Le lendemain matin, samedi 25 octobre, aux environs de 9h, Victoria Tolu, la mère de René, est dans sa cuisine lorsqu'elle entend des cris qui semblent venir du château. « Ils sont tous morts !» hurle Henri Girard. Victoria Tolu et son mari, Romain, se précipitent alors dans la demeure de leur patron. Dans la cuisine, il découvre le jeune Henri très agité. Celui-ci évoque d'emblée un cambriolage qui a mal tourné. D'un rapide coup d'œil, il constate que le château, d'ordinaire si bien tenu, est un véritable capharnaüm. Le sol est jonché d'affaires, de vêtements, de bibelots, de livres. Les tiroirs de la cuisine ont été ouverts, comme si quelqu'un avait cherché quelque chose. Mais c'est dans la chambre adjacente que les Tolu découvrent la réalité de ce qui s'est passé cette nuit-là. Au sol, le corps de la bonne, Louise Soudex, baignant dans une mare de sang. Aux sollicitations des Tolu, Louise ne répond pas. Elle ne bouge pas, elle ne respire plus, elle est morte. À son côté, son patron, Georges Gérard. Recroquevillé, il gît à terre et porte encore sur lui sa chemise de jour, recouverte de rouge de sang. Georges Gérard a le crâne défoncé, lui aussi est mort. Et ce n'est pas fini. Dans l'un des petits salons qui sert de chambre à coucher, il y a un autre corps. Celui d'une femme allongée face contre sol. Sa tête repose sur un oreiller et son visage est recouvert d'ecchymose. Aucun doute possible, il s'agit d'Amélie. À côté d'elle, les draps du lit sont tachés de sang. Un peu plus loin, dans la chambre à coucher de Louise, la bonne, les Tolu tombent avec ce qui semble être l'arme du crime. Un objet qui leur est familier, comme le racontera plus tard l'ancien commissaire Guipenot. Ils arrivent dans la chambre, deux cadavres. Vous voyez qu'ils sont bien morts, dit-il. Oh, on voit que ça a été cambriolé, dit-il. Ah, ça alors, elle était estomaquée, la femme Tolu. Alors le père Tolu, lui, est arrivé un peu de retard. Et il y avait quand même une chose qui les a assez surpris, c'est que dans la chambre de la bonne, il y avait une serpe qui était là. Une serpe qui était sur le sol. Et la mère Tolu a dit, mais cette serpe, je la connais, cette serpe. Mais c'est la serpe que m'a empruntée le fils Girard. Romain Tolu enfourche alors sa bicyclette et fonce alerter le maire du village afin qu'il prévienne les gendarmes. Ce que personne ne sait, c'est qu'en réalité, la première personne à avoir découvert la scène de crime, c'est la jeune Jeanne Valade, qui a porté deux poulets pour Amélie. Bien plus tard, elle racontera ce qui s'est passé ce matin-là. Il y avait plus ou moins de désordre dans la cuisine. Alors, je m'avance dans la grande pièce, la grande salle à manger, qui avait de si jolis meubles, mon Dieu. Et puis, je dis, mais enfin, où elles sont ? J'ai appelé, personne n'a répondu. J'ai entendu un bruit au bout de cette pièce, dans le couloir, où il y avait le petit salon où dormait Mademoiselle Girard. Je vois ses jambes, tout ça. Elle était tournée à plat ventre, ses fesses. Et je dis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous voyez, si on est bête quand on est... Je dis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont cassé les statues, parce que tout ce qu'il y avait sur la cheminée, c'était par terre. C'était la vraie pagaille. Puis quand même, je sais pas, il s'est passé un tilt là dans ma tête. J'ai dit non, tu retournes. Alors je suis repartie, je pose mes poulets. Je n'ai plus rien demandé, je pose ces pauvres poulets dans la cuisine et je file. Une demi-heure plus tard, le maire d'Escoire arrive au château. Derrière lui, quelques voisins, des amis, mais aussi beaucoup de curieux. Tour à tour, chacun d'entre eux entre dans l'impressionnante demeure des Girard, piétinant allègrement la scène de crime. Quant à Henri, le seul rescapé du massacre, il fait les 100 pas sur la terrasse. Une cigarette à la bouche, il attrape une bouteille d'eau de vie de prune et se met à boire quelques rasades. Au maire, qui lui demande de venir à l'intérieur pour lui expliquer ce qui s'est passé, il répond simplement qu'il en a assez vu et qu'il ne veut plus mettre les pieds dans le château. Pour seul commentaire, il lâche... Ah, les misérables, ils les ont tués. C'est épouvantable. Quelques instants plus tard, alors que l'horreur et l'émotion bouleversent les témoins présents sur place, à la surprise générale, Henri retourne dans le château et va s'installer au piano du grand salon. Le jeune homme allume une nouvelle cigarette et se met à jouer Tristesse de Chopin. Aujourd'hui, triple meurtre au château d'Escoir. Affaire sensible. Sur France Inter. Samedi 25 octobre 1941. Les habitants du village d'Escoir sont sous le choc. La veille, trois personnes ont été sauvagement assassinées dans le grand château situé sur les contreforts du bourg. Seul le fils de la famille Girard, les propriétaires, a échappé au massacre. En fin de matinée, une patrouille de gendarmes arrive sur place. Elle procède aux premières constatations d'usage. Premier point qui intrigue la maréchaussée, seules deux portes du château sont ouvertes. Celle de la cuisine, qui ne peut s'ouvrir que de l'intérieur, et une autre qu'Henri admet avoir ouverte après avoir découvert la scène de crime. Ailleurs, aucune trace d'effraction. Le seul accès possible serait par une petite fenêtre du rez-de-chaussée. Les gendarmes me diront plus tard qu'elle était recouverte de toiles d'araignée. Ce qui signifie que le ou les assassins étaient à l'intérieur du château quand les Girard se sont couchés. Interrogé une première fois par les gendarmes, Henri Girard affirme qu'après le dîner, il a discuté avec son père jusqu'à 22h, puis ensuite avec sa tante jusqu'à 23h. Des déclarations étonnantes qui contredisent celles du fils des gardiens du château, René Taulu. Ce dernier affirme, lui, qu'il est passé devant le château à 21h30. Il n'y avait alors, affirme-t-il, aucune lumière. Autre point qui intrigue les enquêteurs, la chambre choisie par Henri. D'habitude, le jeune homme dort dans sa sienne, mais pour ce séjour à Escoir, il a choisi d'en occuper une autre, dans l'aile opposée. Or, cette nouvelle chambre présente une particularité importante, comme l'expliquera Jacques Lagrange qui a enquêté sur cette affaire. Henri, le fils, choisit d'aller coucher dans une chambre qu'il ne fréquente pas habituellement, mais qui est située à l'aile nord-est du château, tout à fait au dernier étage, alors que le reste de la famille couche en rez-de-chaussée dans l'aile sud-ouest. Donc il est à l'opposé. Pourquoi fait-il ce choix ? Mademoiselle Coustilla m'a répété que il n'avait pas voulu coucher à proximité des autres de la famille parce qu'il ronflait, ça l'empêchait de dormir. Alors Henri Girard dort donc dans cette petite chambre de l'aile nord-est du château. Elle a une importance stratégique, cette chambre. C'est ici qu'est placé le compteur général qui alimente le château. Si le désordre de la scène de crime fait bien penser à un cambriolage, les enquêteurs retrouvent pourtant des liasses de billets dans les tiroirs entrouverts de la cuisine. Tante Amélie a toujours sa montre en or au poignet. Et sur le chemin qui longe la propriété, il y a le portefeuille de Georges Girard, toujours avec de l'argent. Donc, pour les gendarmes, une conclusion s'impose, le mobile du cambriolage ne tient pas. Autre élément qui retient l'attention, le ou les meurtriers semblent s'être acharnés sur leurs victimes. En effet, lorsque le médecin légiste examine le corps d'Amélie, il constate que la tante d'Henri a reçu une dizaine de coups de serpe dans le dos, mais que ses blessures n'ont pas saigné. L'assassin lui aurait donc asséné des coups post-mortem. Résumons, pas de signe d'effraction, aucun mobile apparent, deux victimes dont le corps est lacéré depuis de plusieurs dizaines d'entailles et un seul rescapé dont le comportement est étrange. Aux questions pressantes des gendarmes, Henri Girard semble avoir réponse à tout. S'il a dormi dans la chambre avec le compteur électrique, c'est parce que la sienne n'était pas propre. Oui, mais s'il n'y avait pas de poussière sur le compteur électrique, normal, dit Henri, il a changé un fusible. Enfin, concernant la serpe, retrouvée sur la scène du crime et que les taulus affirment lui avoir prêté quelques jours plus tôt, le jeune homme explique que c'était pour faire des travaux, rien de plus. Pour Jeanne Balade, adolescente à l'époque, et qui a découvert les corps au château, rappelons-le, aucun doute possible, c'est Henri Girard qui a fait le coup. C'est qu'il y avait une chose qui était sûre, c'est que il savait qu'ils allaient lui enlever sa part d'héritage. La demoiselle ne pouvait plus le supporter, elle, ça. Alors, elle savait que sa part d'héritage allait lui passer sous le nez. Alors, il a dit, c'est le moment. Ils ont dû... Est-ce qu'ils se sont fâchés parce que le régisseur était venu, ils avaient fait les comptes. Alors, est-ce qu'il a demandé l'argent ? Bon, je fais des suppositions, mais enfin, est-ce qu'ils se sont contrariés ? Mais c'est bien lui qui avait été chercher cette serpe. L'autopsie a été faite dans la cuisine du château. cette autopsie, 18 coups de serpe dans le dos. Elle avait les doigts coupés. Elle avait ses bagues à ses doigts. Ça serait un cambrioleur. Il aurait sûrement, tant qu'il y était, quitte à tuer quelqu'un, je ne vois pas pourquoi, il n'aurait pas pu enlever les bagues de mademoiselle Amélie. Puis cette sauvagerie, cette pauvre bonne qui l'a tuée, c'est mon père qui a retrouvé la serpe. Elle avait un coup de serpe, elle, mais alors elle avait la figure comme ça, coupée. Il lui avait coupé la figure en deux. Elle est morte sur le coup. Fils d'une grande famille notable, les enquêteurs ne bousculent pas Henri Girard. Mais ils sont tout de même convaincus qu'ils ont face à eux le coupable, le triple meurtre. À toutes les questions, Henri se défend et répète sa version. Il dormait cette nuit-là, il n'a rien vu, rien entendu. Mais à un moment, il a cette réaction surprenante. Aux gendarmes, arrogant, il déclare « Bon, supposons que je sois le coupable, ce dont je ne suis pas bien sûr. Avez-vous suffisamment d'éléments dans votre dossier pour m'envoyer à la guillotine ?» On découvre aussi que toutes les parties extérieures du corps d'Henri Girard, les mains, la tête, les ongles, les cheveux, sont parfaitement propres. Mais, entre le pouce et son index, il y a des pinçons et des plaies fraîches. L'un des médecins demande alors à Henri de prendre la serpe et de frapper sur la table. Résultat, une nouvelle plaie et un nouveau pinçon apparaissent sur sa paume. « Et alors ?» répond Henri. « Il a coupé du lierre avec son père l'après-midi même à la serpe. » Or, l'outil semble avoir été fraîchement aiguisé, alors que le gardien du château, Romain Tolu, affirme lui que lorsqu'il l'a donné à Henri, la serpe était rouillée et ne coupait rien. Au terme de 4 jours de garde à vue, l'hypothèse des policiers est la suivante. La nuit du drame, Henri Girard a plongé le château dans l'obscurité en coupant l'électricité au compteur situé dans sa chambre. Puis, à l'aide de la serpe, il a tué sa tante et son père. Un double meurtre sur fond de rancœur familiale. Quant à l'assassinat de la bonne, Louise Soudex, c'était un impératif pour Henri, ne laisser aucun témoin. Sur la base de la conviction et des éléments réunis par les enquêteurs, la juge d'instruction inculpe Henri Girard et le place en détention à la prison de Périgueux dans l'attente de son procès. Messieurs de la cour, messieurs les jurés, je tiens à dire tout de suite ici que ma conviction la plus intime et la plus profonde est qu'Henri Girard est coupable des crimes qui lui sont reprochés. 2 ans plus tard, le 27 mai 1943, le procès du triple meurtre du château d'Escoir s'ouvre devant la cour d'assises de la Dordogne. D'emblée, vous venez de l'entendre, l'avocat de la partie civile, maître Bardon d'Amarzide, qui représente les enfants de la bonne, Louise Soudex, évoque la sauvagerie du meurtre et la convergence des éléments qui font d'Henri Girard le seul coupable possible dans cette affaire sordide. Anecdote qui en dit long de l'atmosphère qui prévaut. Lorsque Henri Girard quitte au petit matin la prison pour se rendre au tribunal, le directeur de la maison d'arrêt aurait demandé à son adjoint de faire préparer la cellule des condamnés à mort afin que celle-ci soit prête pour le retour de Monsieur Henri, bref, présumé coupable. Après une matinée consacrée à la personnalité de l'accusé, le juge décide de faire déplacer la cour au château d'Escoir pour une reconstitution. C'est alors que se produit l'un des tournants de cette affaire. Face au juré, l'un des avocats d'Henri, Maître Garçon, une star du barreau à l'époque, démontre qu'avec un simple bâton, il peut faire sauter le petit loquet de la fenêtre du rez-de-chaussée et donc entrer au château depuis l'extérieur. Autrement dit, l'accusation selon laquelle l'assassin était forcément à l'intérieur la nuit du drame s'effondre. Le lendemain, au tribunal de Périgueux, la famille Tolu témoigne devant la cour. Comme face aux gendarmes, René, le fils des gardiens, raconte qu'il est passé le soir du drame devant le château et que la lumière était éteinte. Sauf que cette fois, il dit être passé à 21h et non pas à 21h30. Maître Garçon en profite pour briser sa crédibilité. En fait, dans une sorte de défense de rupture, comme on dit aujourd'hui, l'avocat d'Henri Girard tente de retourner l'attention contre les Tolu en demandant au père, Romain, pourquoi on a retrouvé 2 pantalons ensanglantés à son domicile. Romain Tolu évoque alors un accident de chasse. Puis Maître Garçon pointe l'arme du crime, la serpe, la fameuse serpe. Elle vient de chez les Tolus. Elle est utilisée par les Tolus. Et c'est encore chez les Tolus qu'on trouve une meule pour l'affûter. Le jury assiste à cette passe d'armes avec vertige. Henri Girard était aux yeux de tous un coupable certain. Il est désormais de nouveau présumé innocent. À la barre, la plaidoirie de maître garçon est magistrale. Messieurs de la cour, messieurs les jurés, je veux que mes premières paroles soient pour rapporter ici un témoignage d'amitié. Georges Girard, en effet, était mon ami, et vous comprendrez mon angoisse d'être appelé à défendre son fils, celui qu'on veut absolument considérer comme son meurtrier. Quel ami oserait défendre l'assassin de son ami ? Et pourtant, j'ai accepté. J'ai accepté de plaider en faveur de cet homme. Et si je l'ai fait, après avoir longuement et minutieusement étudié ce dossier avec mes éminents confrères, c'est que pour notre part, nous sommes absolument convaincus qu'Henri Girard est innocent de toutes les charges qui pèsent contre lui. Les derniers mots d'Henri face au tribunal sont « Je suis innocent, j'aurais été prêt à me faire tuer pour sauver mon père ». Le procès s'achève. Il ne faut que 10 minutes au jury pour délibérer et déclarer Henri Girard non coupable. Pour autant, juges et gendarmes n'y croient pas. Désormais libre, Henri Girard retourne à Paris pendant l'occupation. En quelques années, il dilapide l'héritage familial et se retrouve endetté. Pour se faire oublier de ses créanciers, il quitte la France et part en Amérique du Sud. Une période parsemée de zones d'ombre où il devient tour à tour journaliste, chercheur d'or, barman et même conducteur de camion. Une expérience qui va lui inspirer le scénario de son roman « Le salaire de la peur ». À son retour en France au début des années 50, Henri Girard s'appelle désormais Georges Arnaud. C'est sous ce nom qu'il publie ses livres, dont le second, « Le salaire de la peur », qui rencontre un immense succès. Son adaptation au cinéma, avec en vedette Yves Montand et Charles Vanel, remporte la Palme d'Or à Cannes. Vont suivre d'autres romans et reportages pour des magazines, des interviews dans la presse, où à chaque fois, Georges Arnaud n'évoque jamais son passé et encore moins sa vie en tant qu'Henri Girard. On le comprend. Que croyais-tu voir dans la rue quand tu m'as croisé cette fois-là? Que voyais-tu dans mon regard écru, tu ne voyais que toi là? Que croyais-tu, que pensais-tu, que voulais-tu de moi là? Qui pensais-tu tirer entre deux rues, tirer entre deux beaux draps là? La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, petit meurtre en famille au château d'Escouart. Notre invité, l'écrivain Philippe Janada. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes l'auteur du roman La Serpe, la fameuse Serpe, hein, ouais. Prix Fémina 2017, bravo. Reparu au format Poche et Point l'an dernier. Un livre qui nous fait revivre de manière haletante cette affaire et avec des compléments par rapport au récit que nous avons proposé. Vous êtes aussi l'auteur de La Petite Femelle, l'histoire de Pauline Dubuisson. Ça n'a rien à voir, mais c'est une histoire que nous avons choisie pour ouvrir le spectacle Affaires Sensibles qui est en ce moment en tournée. Bien, revenons à nos moutons. Et avant de revenir sur le cœur de cette affaire d'Escouart, j'aimerais vous demander tout simplement quand et comment vous avez découvert cette histoire et qu'est-ce qui vous a intéressé au point de vous y plonger jusqu'à en faire un livre. Alors j'ai découvert, comme souvent par hasard, il se trouve simplement que le père du meilleur ami de mon fils en maternelle est le petit-fils de Georges Arnaud, c'est-à-dire le petit-fils d'Henri Girard, Emmanuel Girard. Et que pendant des années, il m'a dit, tu devrais t'intéresser à la vie de mon père, qui a une vie rocambolesque, passionnante, une vie de combat contre l'injustice. Moi, je lui disais, c'est pas trop mon genre de littérature, je suis pas fait pour ça. Jusqu'au jour où il m'a confié que son grand-père avait été accusé d'avoir tué, massacré toute sa famille à coups de serpe. Là, je me suis dit, ça m'intéresse. Bah oui. Je me suis renseigné et il se trouve, les dossiers de justice, les dossiers d'instruction, sont communicables 75 ans après les faits. Aux archives de la Dordogne, je me suis renseigné, on m'a dit, ben, vous serez le premier, le délai vient d'expirer. Donc, si vous voulez, vous pouvez venir consulter le dossier, que personne n'avait vu depuis 1941. Vous vous êtes pas fait prier. Je me suis pas fait prier, j'ai bondi dans une voiture, ce qui n'est pas mon genre pourtant, et j'ai foncé vers Périgueux, où j'ai consulté le dossier, où j'ai découvert des choses, on va pas dire stupéfiantes, mais en tout cas assez étonnantes et déconcertantes. Alors, ça tombe bien que vous disiez ça. Le récit qu'on propose est le récit d'une vérité qui était, on va dire, acceptée, jusqu'au moment où vous avez fouillé, enquêté et trouvé des éléments qui ne figurent peut-être pas dans le récit. Si tel est le cas, lesquels retenez-vous ? Oh, alors, il y en a beaucoup. Ce que le récit, là, c'est à la fois ce qu'on a dit à l'époque, dans les journaux, ou ce qu'on a dit au village, ou à Périgueux, ou même à Paris, parce que l'affaire a fait grand bruit, et puis ce qu'on a dit pendant les 70 années suivantes, en particulier à cause de Georges Arnaud, parce que Georges Arnaud, qui était quand même très provocateur, comme on l'a entendu, il dit quand même, 30 ou 35 ans après avoir été accusé d'avoir tué son père, il dit, un procès pour meurtre, c'est très réjouissant, ouais. Alors que c'est le drame qui a bouleversé sa vie. Hein, et qu'il aurait pu prendre perpète quand même, hein. Voire la peine de mort. Je pense que oui, à cette époque-là, la peine de mort à l'époque, oui, bien sûr. Et puis même, de toute manière, toute sa vie, comme il a toujours refusé d'en parler, sauf de manière provocante, ça l'a poursuivi toute sa vie. Même des gens qu'il fréquentait de près, des amis à lui, ont pensé jusqu'à sa mort, en 87, jusqu'à sa mort, que c'était lui le coupable. Lui a fait une sorte de blackout total là-dessus. Il a refusé d'en parler, même dans sa famille, même ses plus proches amis. Il ne voulait plus en entendre parler. Donc évidemment, ça alimente le soupçon. Et on a pensé très longtemps, enfin, moi j'ai trouvé dans le dossier, même moi j'ai dit à mon ami, je vais pas trop enquêter là-dessus parce qu'il semble bien que ton grand-père ait tué tout le monde quand même. Il a été acquitté parce qu'il avait un génie pour le défendre, Maurice Garçon était un véritable génie du barreau, oui. Mais c'est bien probable que ce soit lui. Et puis dans le dossier, une des choses parmi 71 autres, on disait que c'était très tendu avec son père, qu'il réclamait beaucoup d'argent à son père, que son père, évidemment, ne pouvait pas accepter toujours, que Henri Girard était colérique, capricieux, et qu'il y avait presque de la haine entre eux. Et dans le dossier, j'ai trouvé un gros paquet de lettres, qui est toute la correspondance échangée entre les deux, qu'on a retrouvé le lendemain du drame, une partie chez le père, une partie chez le fils, que chacun avait reçu. C'est une correspondance qui déborde d'amour, jusqu'à quelques jours avant le drame, il s'était écrit encore, les lettres sont dans le dossier. C'est presque ridicule de sentimentalisme et de mièvrerie. C'est mon petit papa chéri, Henri, qui ensuite est devenu très provocateur et très féroce, signe ton petit riri adoré, enfin bon. Et puis surtout, on voit que le père n'arrête pas de lui proposer de l'argent. Est-ce que t'es sûr que t'as pas besoin de 500 francs pour te faire soigner les dents ? Et le fils refuse. Le fils dit, non, t'inquiète pas, ça va. Alors, c'était pas un ange, hein, loin de là, le jeune Henri Girard. Mais il refuse. Donc déjà, alors c'est évidemment, c'est pas de l'ordre de la preuve matérielle et technique, mais enfin, il y avait un amour. Quand il dit au procès, je me serais fait tuer pour mon père. C'est vrai. C'est vrai, c'était l'homme de sa vie. C'était vraiment la personne. Il a perdu sa mère très jeune, quand il avait 9 ans. Son père était tout pour lui, et ça se lit dans des dizaines et des dizaines de pages de correspondance. Donc, même si ça, c'est pas vraiment tangible, comme c'est pas une preuve, d'ailleurs. Mais ça milite pas pour sa culpabilité. Ah oui, en tout cas, ça enlève un sacré mobile à sa culpabilité. Alors, sur place, sur la scène de crime, donc, il y a deux éléments qui interrogent. Le premier, c'est l'acharnement du ou des tueurs sur les victimes. Le second, c'est l'impression d'un cambriolage, même si l'argent du portefeuille d'Henri Girard a été retrouvé, et que sa tante Amélie avait encore sa montre en or au poignet. Que faut-il en penser de ces pistes ou fausses pistes, ou vraies fausses pistes? D'abord, il y a quelque chose d'important dont on n'a pas du tout parlé à l'époque, j'imagine, par pudeur, et dont on n'a pas parlé dans les années suivantes parce qu'on ne savait pas. Dans ce fameux dossier, il y a les photos de la scène de crime. Il y a les rapports des tout premiers gendarmes, et surtout, il y a les photos. Et on comprend très vite que la victime principale, c'est la tante Amélie, d'une part. C'est-à-dire que le père Georges et la bonne ont reçu 3-4 coups sauvages de serbe sur la tête, mais comme pour les éliminer, elle a été vraiment victime d'un assaut. Et ce dont on se rend compte, et dont on n'a pas parlé à l'époque, c'est que c'est très manifestement sexuel. C'est-à-dire que la tante Amélie, dans ma tête, c'est une vieille femme, en vrai, elle a 41 ou 42 ans quand elle meurt. Donc, non, elle est jeune. Ouais. Elle est dans une position qui est dégradante, humiliante, qui est très manifestement sexuelle. On lui a enlevé sa culotte. On a retrouvé la culotte devant la porte du château, devant la cuisine. On lui a remonté sa chemise de nuit sur la tête qu'on a recouvert. On a posé sa tête sur un oreiller, comme pour l'installer pour des choses abominables. Il est très probable qu'elle ait été violée. Donc c'est très manifestement une agression sexuelle sur la tante. Mais ça non plus, ça milite pas en faveur de la culpabilité de Girard. Ah non, parce qu'on dit qu'il taquinait beaucoup sa tante, et c'est vrai, il l'appelait quart de tonne pour rigoler, parce qu'elle était un peu enveloppée. Elle faisait des aquarelles et il tirait dessus au fusil parce qu'il trouvait que c'était nul. Mais, et pareil, il y a aussi des lettres entre lui et sa tante dans le dossier. Il y avait une grande complicité, une grande tendresse entre lui et sa tante. On peut pas imaginer un quart de seconde qu'il ait voulu la violer ou l'humilier sexuellement. Elle a été, comme c'est dit dans le récit, elle a été frappée de nombreuses fois dans le dos pendant ce qui devait se passer à ce moment-là, et alors qu'elle était déjà morte. Ce sont des plaies. Elle a plein de petites plaies dans le dos, des petits coups de serpe énervés, ou je sais pas. Ça peut pas être Henri Girard, c'est pas... Alors, on l'a dit dans le récit également, le comportement d'Henri Girard ne ressemble pas à un comportement de coupable. Après la découverte des corps, il boit de l'alcool, il va jouer au piano, il a l'air assez tranquille. Alors, vous me direz, il y a des meurtriers qui sont assez malins pour voir ce genre de comportement, mais là encore, qu'est-ce qu'on en pensez? Ça, c'est vrai. C'est de manière un peu simplette, à l'époque, on a dit la preuve que c'est lui, c'est qu'il a l'air très détendu, il se met au piano, il joue au piano. Alors, entre parenthèses, le tristesse au piano, il a expliqué, et ça a été corroboré par des amis qui sont venus dans l'après-midi avant la nuit du meurtre. Il a montré à son père qu'il avait fait il était fier d'avoir fait des progrès au piano. Il a montré à son père, il a joué tristesse, il lui a joué tristesse de Chopin. Et donc, le lendemain, le matin du crime, il est complètement dévasté, selon moi, par ce qui vient de se passer. Il joue tristesse comme un hommage à son père, dont l'esprit est en train de s'échapper du château. Et puis, effectivement, il y a une vieille eau de vie de prune, il en offre aux gendarmes qui arrivent et au maire du village, il distribue des cigarettes à tout le monde. Il a l'air complètement ahuri. Henri Girard, Georges Arnaud, il y a quelque chose qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il est extrêmement intelligent. Toute sa vie, il l'a prouvé. S'il a tué, comme il a été dit, sa famille le soir à 21h ou 22h, il a eu toute la nuit pour préparer quelque chose, en sachant évidemment que les gendarmes allaient arriver le matin. Il aurait pleuré, il aurait joué les éplorés, les désespérés. Ouais. Alors que là, on sent qu'il y a un truc, il a comme pété un plomb devant l'horreur. Il a vu l'homme qu'il aimait, il l'a vu massacrer. Les photos sont horribles. Il y a de quoi avoir un choc. Il n'a même pas pensé à casser une fenêtre du château, parce que le château était entièrement fermé. Il lui suffisait de casser une fenêtre, de dire, bon, des cambrioleurs ont dû rentrer par là, ils ont jeté une pierre, ils ont ouvert la fenêtre, ils sont rentrés. Il n'a même pas fait ça alors qu'il a eu 12 heures au bas mot pour réfléchir et se préparer des alibis et une... Donc tout ça ne tient pas debout, sauf à considérer qu'il est complètement stupide. Et ça... Et apparemment, non, c'est pas possible. Non, c'est sûr. Donc, alors, tout ce qu'on vient de dire va plutôt dans le sens de son innocence. Et pourtant, au moment où il s'appelle Georges Arnaud, il va faire des aveux à l'écrivain Gérard de Villiers, comme le raconte d'ailleurs lui-même l'auteur de la série des SS, au micro d'Alexandre Hérault de France Culture. Écoutez bien. Il m'a emmené me promener dans sa voiture sur les hauteurs d'Alger. Et c'est là, après discuter de choses et d'autres, j'ai dit, mais maintenant, bon, tout ça, c'est vieux, c'est très bien, mais est-ce que c'est vraiment toi qui les a tués ? Il m'a dit oui. Mais il ne m'a pas donné ses motivations. Et la bonne, vous lui dites ? Oui, la bonne, oui, mais j'étais énervé, j'étais pas moi-même, et je pense que, je pense que tout simplement, il pouvait pas laisser de témoin. Donc moi, je pense que il a eu un moment de démence. Que penser de ces aveux ? Est-ce que ce sont des aveux ou une nouvelle provocation de Georges Arnaud ? C'est une nouvelle provocation de Georges Arnaud. Il faut bien voir que Gérard de Villiers était à peu près l'exact opposé, ne serait-ce que politiquement. Gérard de Villiers était plutôt à l'extrême droite, Georges Arnaud était vraiment à l'extrême gauche. Et puis surtout, Georges Arnaud savait, il se fréquentait un peu, que Gérard de Villiers, on lui disait quelque chose, immédiatement ça se retrouvait dans ses romans ou quelque part. Enfin, c'était vraiment la passoire. Et ce qu'a fait Georges Arnaud quand il a, à Alger, quand il a fait ses soi-disant confidences à Gérard de Villiers, il a pris soin, comme il est très intelligent, de glisser des fausses choses dedans. Par exemple, il a dit à Gérard de Villiers, Gérard de Villiers l'a raconté à Laurent Chalumeau dans une émission de télé où ils étaient en voiture, il lui a dit, j'ai même tué le chien du château. Il n'y a pas de chien. Dans le récit, il n'y a pas de chien en tout cas. Pas de chien. Là, il dit qu'il a tué la bonne parce qu'il était énervé. Évidemment, c'est complètement stupide. Il était obligé de tuer la bonne. Enfin, la personne qui était là n'allait pas tuer juste la tante et laisser la bonne et le père témoigner. Ensuite, il lui a parlé de sa cellule. Il a dit, j'étais dans une cellule avec un résistant qui connaissait le président du tribunal. C'est pour ça que j'étais acquitté. J'ai facilité son évasion. C'était des cellules de 40 détenus. Il a glissé, c'était des dortoirs en fait. Il a glissé plein de fausses informations en se disant cette nouille de Gérard de Villiers va tout répandre et puis ça se retournera contre lui. Donc oui, enfin, ça aurait pu se retourner contre Georges Arnaud aussi. Ouais, mais je pense qu'il s'en fichait en fait. Je pense que pendant toute sa vie et surtout à la fin, il disait si on pense que c'est moi, c'est très bien comme ça. Bon, drôle de personnage quand même. Ouais, ouais. Au tout début du récit, je disais que c'est une histoire qui nous replonge également dans les heures sombres de l'occupation, à ceci près qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Il y a quand même au moins une raison de dire ça, c'est qu'au-delà de la piste d'un crime perpétré par Henri Girard, cette affaire pourrait être liée, peut-être, à un motif politique, et en particulier aux fonctions qu'occupait Georges Girard, le père, à Vichy. Oui, il y a eu plusieurs versions opposées d'ailleurs. Une version était parce que le père était à Vichy, parce qu'il travaillait au ministère, il était archiviste au ministère des Affaires étrangères, donc il avait été obligé de suivre Pétain à Vichy, c'était son métier, mais il tenait un journal dans lequel il disait « ces ordures sont en train de vendre la France », des trucs sur Pétain très féroces. Et donc certains ont dit « peut-être Pétain l'a fait tuer parce qu'il était contre lui », bon, pour ça il n'avait pas besoin d'attendre qu'il parte à Escouar, j'imagine. Et d'autres ont pensé au contraire que ce sont les alliés des parachutistes anglais qui serait arrivé sur le château, qui l'aurait tué. Tout ça ne tient pas debout du tout. On a dit qu'il avait une mallette de documents qui avait disparu du château. C'est faux. Il y a dans les procès-verbaux, on a retrouvé sa mallette. Et dedans, c'était son journal qui écrivait contre Pétain et contre la collaboration. Ils sont tués avec une serpe, c'est-à-dire qu'il faudrait penser qu'un tueur à gages ou un tueur professionnel envoyé par Pétain ou par les Anglais serait venu sans armes, aurait trouvé une serpe dans le château et serait dit tiens je vais les tuer avec. Enfin, en fait ça ne tient pas du tout, ça ne peut être l'histoire est très simple, c'est-à-dire que un enfant de 12 ans pourrait Georges Arnaud, Henri Girard dit on a mangé et on est allé se coucher à 23h. Mm-hmm. Le fils des voisins dit je suis passé à 21h ou 21h30 d'ailleurs. Tout était éteint. Donc ils étaient déjà couchés. Un des deux ment, c'est sûr, c'est aussi simple que ça. Soit Henri Girard ment, soit le fils des gardiens ment. Ah, les taulis, on va en parler. Ça veut dire aussi que cette histoire aurait pu se dérouler 20 ans plus tôt, 20 ans plus tard. La connexion avec l'occupation n'est pas essentielle, en fait. Oui, non, ça a été juste un décor pour le procès. C'était quand même particulier, parce qu'en 43, les Allemands étaient arrivés, c'était plus la zone libre. Donc le procès se tient en période d'occupation, donc c'est juste un décor assez stressant, assez particulier. Mais les Allemands s'en fichent de ce truc-là. Oui, je pense qu'ils s'en fichent complètement. Au début, on se demande, justement, parce qu'ils travaillaient à Vichy, donc on voit ce qu'il avait dans sa sacoche, c'était un journal, bon, c'était juste un archiviste un peu rebelle qui était contre Pétain, bon, il n'y a pas de quoi en faire une affaire d'État. Alors, durant le procès, Maître Garçon, le fameux Maître Garçon, on vous confirmait, c'était vraiment une star du barreau à l'époque. Ah, c'était une star, et à juste titre, hein, il était plus que doué. J'ai pu consulter ses archives, toutes les archives de Maurice Garçon sont conservées aux Archives Nationales, c'est son fils qui en a fait don. Il y a tous ses brouillons de plaidoiries, ses études, c'est absolument passionnant. Et sur l'affaire Girard, on voit qu'il est convaincu, persuadé, dans ses brouillons, dans toutes ses notes, que son client est innocent. C'est pas, même si c'est un avocat retors, comme tous les bons avocats. Mais il a pas besoin d'être retors, là. Voilà, il a pas besoin. C'est vraiment, il est convaincu, on voit dans ses brouillons, vers qui pencherait son, sa théorie. Bah oui, parce qu'il va tout faire pendant le procès pour discréditer les témoignages de la famille Tolu. Oui. Va même aller jusqu'à insinuer que tout ce qui concerne l'arme du crime est lié à cette famille Tolu. Il a fait une sorte, je disais tout à l'heure, une sorte de défense de rupture, hein, qu'on doit à Jacques Vergès. Ouais. Attaquer les gens de la partie civile, quoi. Ouais. Donc les Tolu, que pensaient les Tolu, justement, de cette famille-là? Les Tolu, ce qu'on n'a pas dit à l'époque et ce qu'on découvre aussi dans le dossier, c'est qu'en fait, à l'époque, tous les villageois ont témoigné qu'il y avait une très bonne entente avec les Châtelains, les Parisiens, les Gérards. On rappelle que les Tolu sont les gardiens du château, c'est-à-dire qu'ils habitent dans l'enceinte du château. Ils ont une petite maison qui est d'ailleurs dans laquelle je suis allé et qui déjà à l'époque tombait en ruine où il y a pas d'électricité alors qu'au château il y a l'électricité. Ils ont essayé de tirer une ligne, les Tolu, le père Gérard, Georges a coupé la ligne. Enfin bon, il y a des très fortes tensions. Et en plus, ce jour-là, c'est sous l'occupation, là pour le coup, ça prend de l'importance. Tout le monde, personne n'a rien à manger, tout le monde est pauvre. Et ce jour-là, Amélie Girard fait le tour des métayers et leur prend de l'argent qu'ils doivent. C'est-à-dire que, alors qu'ils ont déjà rien à manger, elle va aller voir les uns après les autres, ce qui est normal, hein, de son point de vue. Elle leur prend de l'argent, elle leur prend des poulets, des œufs, etc. Et c'est ce soir-là qu'elle est assassinée avec beaucoup de violence. Et voilà, les Tolu, effectivement, c'est pas une tournure, une astuce de procès. La serpe appartient aux Tolu. La serpe est aiguisée, c'est vrai, la meule est chez les Tolu. Le conflit avec les patrons. Le conflit avec les patrons. Et puis aussi, on découvre, et ça, on l'apprend dans le dossier, mais ça a été bien enterré, si on peut dire, par les villageois. On découvre qu'il y a tout un passé entre le fils Tolu et Amélie. Moi, je pense qu'il avait un peu des vues sur cette dame. Il lui avait crevé ses pneus. Donc, c'est un geste apparemment en psychanalyse ou en psychiatrie qui est assez symbolique de crever les pneus d'une dame. C'est bien quoi? On rentre un couteau à l'intérieur du pneu. D'accord, je vois. Et par exemple, le fils Tolu dit très naïvement, il dit, ça m'a étonné que tout soit éteint à 21h parce qu'elle n'éteignait jamais avant 23h15 ou 23h30. Moi, je suis allé à la fenêtre de la maison des Tolu, on ne voit pas la fenêtre de... Donc s'il sait qu'elle éteignait à 23h30, c'est qu'il était dans le parc du château. Il était dans le parc en pleine nuit à 23h, en train de regarder par la fenêtre... Et pourtant, ils n'ont pas été inquiétés, les Tolu. Non, ils n'ont pas. Ça s'est bien passé pendant l'enquête. Ouais, ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'amusant. Et là, c'est après mon livre. Quand mon livre est sorti, j'ai reçu un courrier d'un homme de Périgueux, dont toute la famille habitait à Escoir, qui m'a dit, à Noël, j'ai fait un petit enregistrement amusant avec mon téléphone, sans en parler. Et donc, il était à Noël avec son grand-père, son grand-oncle, qui était le premier voisin sur les lieux en 1941, le fils du maire du village, etc. Et qui ont dit tous, je les entends, j'ai le fichier chez moi, on les entend, je ne donnerai pas de nom évidemment, on les entend dire que les villageois se sont concertés pour, le fils Tolu était encore plus barjot apparemment que Henri Girard, pour mettre l'accusation sur le Parisien, cette espèce de décadent, tordu, moitié fou, coupable idéal, quoi. Riche, qui écrasait le village, le château, quand on est dedans, ça surplombe le village, enfin c'est vraiment... Et donc les châtelains étaient pas bien vus du tout, comme tous les châtelains, je pense, de tous les villages de France. Et donc les habitants, ils le disent, ils l'avouent, le grand-père et le grand-oncle, là, ils disent, on s'est serré les coudes, il fallait pas qu'on accuse l'un d'entre nous, c'était le Parisien. Alors, le procès d'Henri Girard se conclut donc par un délibéré du jury, comme tous les procès, sauf que celui-là dure à peine 10 minutes, ce qui est rare dans ce genre d'affaires. Qu'est-ce que ça peut laisser penser, ça? Ouais, c'est quelque chose d'incroyable, et ça, c'est la performance de Maurice Garçon, c'est même 8 minutes, en vrai, apparemment, d'après les journaux de l'époque, alors que, avant qu'il commence sa plaidoirie, les gens hurlaient à mort, les gens voulaient la mort d'Henri Girard, dans et à l'extérieur du tribunal. Il plaide pas très longtemps, 2 heures, et là on s'est mis à applaudir, tout le monde l'a applaudi, et quand il a été libéré, tout le monde était comme fou de joie, sauf que ça a duré 1 heure, et au bout d'une heure, les gens se sont comme réveillés après avoir été hypnotisés par Maurice Garçon, et à partir de là, tout le monde a dit, on a mis en liberté un affreux assassin, un criminel monstrueux. Sauf que n'ayant pas de preuves, la justice a fait son travail, c'est qu'elle n'a pas condamné quelqu'un qui pourrait être innocent. Ouais, ben c'est ça, pour une fois, tout s'est bien passé. C'est l'état de droit, là, pour le coup. Dernière question, il reste quelques secondes. Est-ce que dans Le Salaire de la Peur, il y aurait des messages cachés? Georges Arnaud aurait essayé de dire des choses. Non, alors il y a déjà un message sur la couverture, c'est que il lui fallait un pseudo, parce que c'est pas pour se cacher, c'est juste qu'Henri Girard, à l'époque, c'est comme si on disait Fournirait presque aujourd'hui, hein, j'exagère à peine. Donc évidemment, 2 ans plus tard, il va pas publier un livre, et je pense que c'est René Julliard, son éditeur, qui lui a demandé un pseudo. D'accord. Il choisit le prénom de son père, quand même. C'est pas, ou alors c'est d'un cynisme atroce. Ou alors, il choisit le prénom de son père et le nom de famille de sa mère, Valentine Arnaud, elle s'appelait. Donc voilà, et non, dans le salaire de la peur, il parle de complètement autre chose. Mais même, il a jamais hésité, on lui a demandé 20 ans plus tard de faire la préface d'un livre d'Agatha Christie qui s'appelle... j'ai oublié le titre, enfin bon, bref, il fait une préface qui est « Où il joue avec le feu ». Philippe Génada, merci infiniment. Merci. Donc, je renvoie les auditeurs à la lecture de La Serpe. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, triple meurtre au Château d'Escoir, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.